Thank you. Ah, les souvenirs, j'en vois certains qui frémissent en disant « Purée, ça me rappelle des brumes matinales dominicales. » Nos amis Crésudi, on va les faire parler, puisque donc ils sont parmi nous. Je vais être très franc avec eux, j'ai pas l'habitude de passer la brosse à reluire. Et je vais leur dire la chose suivante, c'est que de tous les morceaux qui figurent sur cette compile, eh bien c'est les morceaux de Crésudi qui sont unanimement préférés, voilà. Ils emportent l'adhésion, les gens disent « Ah pétard, qu'est-ce que c'est bon !» Sincèrement, si, si, vraiment, vraiment. Donc, eh bien, quelques mots, on vient d'entendre Potion. Ah, ils en peuvent plus, les pauvres. On vient d'écouter Potion, allez, quelques mots sur Potion. Bah, Potion était l'extrait de... Un morceau de l'extrait du, donc, du dernier spectacle, de Ouverte et Blanche. Donc, il porte le nom de Potion parce que dans le spectacle, Il y a un professeur qui absorbe des potions pour aller dans une autre dimension, quoi. Donc tout ce qu'on vient d'entendre, c'est l'absorption de la potion avec ses délires et le retour dans la réalité. Ouais. C'est un morceau qui est à la fois sur une scène de théâtre et des films, enfin un petit court-métrage. Qu'est-ce qui est devenu la troupe de théâtre? Vous avez toujours des contacts avec eux? Oui. Ouais. Vous avez un projet ensemble, un nouveau projet ou de rejouer? Pour l'instant, non. Pas de projet théâtre-musique, mais ça risque de se refaire sûrement prochainement. Alors, ce spectacle, il a tourné, il s'est fait où? Allez, quelques précisions. Moi, je l'ai vu donc à Fézin. Est-ce qu'il s'est baladé un petit peu ce... Malheureusement, non. On n'a pas pu le tourner. Il y a eu combien de représentations? 10. Ah, quand même! Quand même, bien rempli à chaque fois quand même. Oui, oui, ça a bien plu. Oui, oui, on était satisfaits. Ouais. C'est un... Comment dire, moi j'ai trouvé ça assez kafkaïen, hein, comme ambiance. Ce côté un peu enfermement, ce côté... Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Bah, c'est vrai que l'enfermement, c'est... C'était pas le but, quoi, du spectacle, de montrer ça, mais... On arrive à aller au-delà d'une dimension... par la musique, quoi, et par l'image, on peut aller loin dans le rêve et dans l'imaginaire. Parce qu'il y a une espèce de manipulation d'un médecin, je crois. Ça rappelle un petit peu le goulag, cette ambiance-là, quoi. Moi, je l'ai senti comme ça. C'est un peu violent. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, Gabriel? Enfin, l'enfermement, oui, comme dit Denis, c'est l'enfermement, c'est pas le but. Le but, c'était de faire voir le Crésudi, quoi. La partie onirique, quoi. Onirique, puis je pense qu'on a chacun entre nous une partie de rêve qu'on peut réaliser aussi, quoi. Et ça, il faut y croire, quoi. Comment s'est fait le rapprochement entre le texte, la troupe de comédiens et la musique? Qui a fait quoi? Est-ce qu'il y a eu des passerelles entre les deux en disant tiens, on verrait ça plutôt comme ça, etc. Ou ça, il y a eu un collage? Tous ensemble, on a bien travaillé tous ensemble. Une bonne collaboration. Et qu'est-ce que fait les comédiens, la troupe, ils font quoi actuellement? Eh ben, il y a Hélène qui tenait le rôle de l'assistante, qui Hélène attend un bébé, quoi. Heureuse nouvelle, c'est le bébé va bientôt naître, quoi, dans un mois. D'accord. Et bien, on trouve ça super beau, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et Christophe, lui, il finit ses jours d'armée là. Ah ouais. Oui, il fait partie. Et c'est très prochainement qu'ils vont, donc tous les deux vont pouvoir se retrouver et puis recommencer ça, quoi. Alors bon, la question qu'on s'est posée, Patrick et moi, quand on vous a rencontré, c'est vous faites du progressif sans le savoir. Alors expliquez-vous un petit peu, parce qu'effectivement, nous on s'est dit, mais pétard, ils font du progressif ces gens-là, et un peu en dehors du circuit. On fait du progressif, on s'en rend peut-être pas compte, en fait je crois que c'est un état d'esprit, quoi. C'est une façon d'aborder la musique, il y a plein de façons de l'aborder. Pour nous, c'est celle-ci, et comme on n'a pas de chanteur et qu'on aime bien l'image, ou des situations comme sur scène par rapport au spectacle qu'on a fait, et ben elle est devenue progressive. Mais votre musique elle-même, est-ce que vous vous reconnaissez, très honnêtement, je sais bien que c'est une question un petit peu délicate, est-ce que vous reconnaissez des influences, si oui, lesquelles? On a tous été influencés par le progressif, hein, bon... Musique rock, le classique, toutes les pointures Yes, Crimson, tout ça. D'accord. On est forcément. D'accord. Mais vous connaissez moins la scène actuelle. Voilà. Tout à fait, oui. D'accord. C'est vrai qu'on est enfermé dans notre cave à faire de la musique et on sort pas tellement. Ben, c'est un petit début de l'émission ce soir, c'est de faire connaître ce que vous faites, mais également de vous faire écouter, ainsi qu'aux auditeurs, hein, puisque vous êtes des auditeurs privilégiés, mais vous êtes des auditeurs, de vous faire écouter un petit peu ce qui se fait actuellement, puisque le progressif, je le répète toujours, n'est pas une musique morte, n'est pas une musique du passé, une musique des années 70, ou même des années 80 avec le renouveau de Marillion. C'est une musique qui continue à évoluer, à se développer. Il y a même des mauvaises langues qui disent qu'il y a plus de groupes maintenant que d'amateurs. Donc, mais il y a un boom progressif absolument hallucinant, et bon, qui n'est pas toujours porté par les médias. Et c'est bien pour ça que donc des émissions, des magazines, des fanzines sont bien utiles pour aider les musiciens à sortir de l'ornière. Alors, à ce propos, puisque j'en profite, puisqu'on parle de l'aspect média, une petite mauvaise nouvelle. On m'a confirmé le décès, donc définitif, on me dirait, quand on est mort, c'est pour longtemps, le décès de Rockstyle, malheureusement, ce canard qui a fait beaucoup pour le progressif, pour le populariser, pour le descendre dans la rue, pour le montrer que c'est une part du rock comme n'importe quelle autre musique. Eh bien, malheureusement, le Rockstyle a dû mettre la clé sous le paillasson. C'est fort dommage. Maintenant, il ne reste plus que les fanzines. Donc, soutenez les fanzines, les Harmonies, qui viennent de sortir un nouveau format, nouveau format, puisqu'il a le format et la présentation de Rockstyle, couverture couleur, papier glacé, c'est superbe. Big Bang, bien sûr, que vous connaissez, qui vient de sortir également un nouveau numéro. Donc, tous ces magazines, vous les connaissez, je ne reviendrai pas dessus. Je reviendrai un tout petit peu sur Acid Dragon, puisque c'est le mien, mais vous avez déjà entendu le supplément musical. Restez bien à l'écoute, car tout à l'heure, si vous êtes sage, vous pourrez repartir en poche avec un numéro d'Acid Dragon, le dernier, et le CD. D'ici là, on va démarrer donc les nouveautés. C'est 21h07, il serait temps de se bouger un petit peu. Il nous reste une petite heure avant l'arrivée de notre ami Jeff. On démarre avec les Scandinaves, puisque effectivement c'est un des pays, enfin une des régions où le progressif explose littéralement. Galéon, les voici de retour avec, si je ne m'abuse, un quatrième album. Voilà, je vous laisse écouter Crisudi et puis on en parlera tout à l'heure. Tout de suite, Galéon. Thank you.

gentlemen. Don't drink and drive. This is Radio Caroline, the home of the British. Explosion. 10% of road accidents are caused by drunken drivers. From the standard model to the automatic zigzag, there's a Novum machine for every woman. Novum is the answer to every woman's dream. Can you tell me where my country lies? Bright the uniform to his true love's eyes. Lies with me, cried Queen of Maybe, for her merchandise he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left, who signed old Father Thames. It seems he drowned, sailing England 5 pounds. Citizens of hope and glory. Voilà un petit clin d'œil à notre ami Jeff qui vient d'arriver, un petit Peter Gabriel et Genesis. Des familles, un galéon en tout cas de haute volée, j'ai pas peur des mots, je les pèse même. Mind over matter, l'esprit au-dessus de la matière, quatrième album du groupe suédois, absolument indispensable, c'est tout du même tonneau, comme dirait l'ami Roland. On va continuer avec un autre Scandinave, autre disque phare de l'émission et du mois, Bjorn Johnson, je le prononce à la française exprès, Johnson, J-O-H-A-N, 2-S-O-N, un premier album d'un gars qui n'est pas si inconnu que ça, puisqu'il a joué avec Parlint Project. Vous allez voir, c'est aussi très très beau, tout de suite sur le 100.7, Prog à part, l'émission du rock progressif. Your homemade sham, the captain leaves. Thank you. Run away to the mountains. but I was haunted by my bloody golden tracks. Seek and find the river back to Moscow, that you shall wash away.